en revenant à son hôtel, Fedora, distraite ou affectant d'être préoccupée, répondit par de dédaigneux monosyllabes à mes questions. Je gardai le silence. Ce fut un horrible moment. Arrivés chez elle, nous nous assîmes devant la cheminée. Quand le valet de chambre se fut retiré après avoir attisé le feu, la comtesse se tourna vers moi d'un air indéfinissable et me dit avec une sorte de solennité « Depuis mon retour en France, ma fortune a tenté quelques jeunes gens. J'ai reçu des déclarations d'amour qui auraient pu satisfaire mon orgueil. J'ai rencontré des hommes dont l'attachement était si sincère et si profond qu'ils m'eussent encore épousé, même quand ils n'auraient trouvé en moi qu'une fille pauvre comme je l'étais jadis. Enfin, sachez, monsieur de Valentin, que de nouvelles richesses et des titres nouveaux m'ont été offerts. Mais apprenez aussi que je n'ai jamais revu les personnes assez mal inspirées pour m'avoir parlé d'amour. Si mon affection pour vous était légère, je ne vous donnerai pas un avertissement dans lequel il entre plus d'amitié que d'orgueil. Une femme s'expose à recevoir une sorte d'affront lorsque, en se supposant aimée, elle se refuse par avance à un sentiment toujours flatteur. Je connais les scènes d'Arsinoé et d'Araminte. Ainsi, je me suis familiarisé avec les réponses que je puis entendre en pareille circonstance. Mais j'espère aujourd'hui ne pas être mal jugé par un homme supérieur pour lui avoir montré franchement mon âme. Elle s'exprimait avec le sang-froid d'un avoué, d'un notaire, expliquant à leurs clients les moyens d'un procès ou les articles d'un contrat. Le timbre clair et séducteur de sa voix n'accusait pas la moindre émotion. Seulement, sa figure et son maintien, toujours noble et décent, me semblèrent avoir une froideur, une sécheresse diplomatique. Elle avait sans doute médité ses paroles et fait le programme de cette scène. « Oh, mon cher ami, quand certaines femmes trouvent du plaisir à nous déchirer le cœur, quand elles se sont promis d'y enfoncer un poignard et de le retourner dans la plaie, ces femmes-là sont adorables, elles aiment ou veulent être aimées. Un jour, elles nous récompenseront de nos douleurs, comme Dieu doit, dit-on, rémunérer nos bonnes œuvres. Elles nous rendront en plaisir le centuple d'un mal dont elles ont dû apprécier la violence. Leur méchanceté n'est-elle pas pleine de passion? Mais être torturé par une femme qui nous tue avec indifférence, n'est-ce pas un atroce supplice? » En ce moment, Fedora marchait, sans le savoir, sur toutes mes espérances. Brisait ma vie et détruisait mon avenir avec la froide insouciance et l'innocente cruauté d'un enfant qui, par curiosité, déchire les ailes d'un papillon. Plus tard, ajouta Fedora, vous reconnaîtrez, je l'espère, la solidité de l'affection que j'offre à mes amis. Pour eux, vous me trouverez toujours bonne et dévouée. Je saurais leur donner ma vie. Mais vous me mépriseriez si je subissais leur amour sans le partager. Je m'arrête. Vous êtes le seul homme auquel j'ai encore dit ces derniers mots. D'abord, les paroles me manquèrent, et j'eus peine à maîtriser l'ouragan qui s'élevait en moi. Mais bientôt, je refoulai mes sensations au fond de mon âme et me mis à sourire. « Si je vous dis que je vous aime, répondis-je, vous me bannirez. Si je m'accuse d'indifférence, vous m'en punirez. Les prêtres, les magistrats et les femmes ne dépouillent jamais leur robe entièrement. Le silence ne préjuge rien. Trouvez bon, madame, que je me taise. Pour m'avoir adressé de si fraternels avertissements, il faut que vous ayez craint de me perdre. Et cette pensée pourrait satisfaire mon orgueil. Mais laissons la personnalité loin de nous. Vous êtes peut-être la seule femme avec laquelle je puisse discuter en philosophe une résolution si contraire aux lois de la nature. Relativement aux autres sujets de votre espèce, vous êtes un phénomène. Eh bien, cherchons ensemble, de bonne foi, la cause de cette anomalie psychologique. Existe-t-il en vous, comme chez beaucoup de femmes fières d'elles-mêmes, amoureuses de leur perfection, un sentiment d'égoïsme raffiné, qui vous fasse prendre en horreur l'idée d'appartenir à un homme, d'abdiquer votre vouloir et d'être soumise à une supériorité de convention qui vous offense, vous me sembleriez mille fois plus belle. Auriez-vous été maltraitée une première fois par l'amour? Peut-être le prix que vous devez attacher à l'élégance de votre taille, à votre délicieux corsage, vous fait-il craindre les dégâts de la maternité? Ne serait-ce pas une de vos meilleures raisons secrètes pour vous refuser à être trop bien aimée? Avez-vous des imperfections qui vous rendent vertueuse malgré vous? Ne vous fâchez pas, je discute, j'étudie, je suis à mille lieues de la passion. La nature, qui fait des aveugles de naissance, peut bien créer des femmes sourdes, muettes et aveugles en amour. Vraiment, vous êtes un sujet précieux pour l'observation médicale. Vous ne savez pas tout ce que vous valez. Vous pouvez avoir un dégoût fort légitime pour les hommes. Je vous approuve. Ils me paraissent tous laids et odieux. Mais vous avez raison, ajoutai-je en sentant mon cœur se gonfler. Vous devez nous mépriser. Il n'existe pas d'homme qui soit digne de vous. Je ne te dirai pas tous les sarcasmes que je lui débitais en riant. Eh bien, la parole la plus acérée, l'ironie la plus aiguë, ne lui arrachèrent ni un mouvement ni un geste de dépit. Elle m'écoutait en gardant sur ses lèvres, dans ses yeux, son sourire d'habitude, ce sourire qu'elle prenait comme un vêtement, et toujours le même pour ses amis, pour ses simples connaissances, pour les étrangers. Ne suis-je pas bien bonne de me laisser mettre ainsi sur un amphithéâtre ? Dit-elle en saisissant un moment pendant lequel je la regardais en silence. « Vous le voyez ? » continua-t-elle en riant, « je n'ai pas de sotte susceptibilité en amitié. Beaucoup de femmes puniraient votre impertinence en vous faisant fermer leurs portes. Vous pouvez me bannir de chez vous sans être tenue de donner la raison de vos sévérités. » En disant cela, je me sentais prête à la tuer si elle m'avait congédiée. « Vous êtes fou ? » s'écria-t-elle en souriant. « Avez-vous jamais songé, repris-je, aux effets d'un violent amour ? Un homme au désespoir a souvent assassiné sa maîtresse. « Il vaut mieux être morte que malheureuse, » répondit-elle froidement. Un homme aussi passionné doit un jour abandonner sa femme et la laisser sur la paille après lui avoir mangé sa fortune. Cette arithmétique m'abasourdit. Je vis clairement un abîme entre cette femme et moi. Nous ne pouvions jamais nous comprendre. « Adieu, » lui dis-je froidement. « Adieu, » répondit-elle en inclinant la tête d'un air amical. « À demain. » Je la regardais pendant un moment en lui dardant tout l'amour auquel je renonçais. Elle était debout et me jetait son sourire banal, le détestable sourire d'une statue de marbre, sec et poli, paraissant exprimer l'amour, mais froid. Concevras-tu bien, mon cher, toutes les douleurs qui m'assaillirent en revenant chez moi par la pluie et la neige, en marchant sur le verglas des quais pendant une lieue, ayant tout perdu? Oh, savoir qu'elle ne pensait seulement pas à ma misère et me croyait comme elle, riche et doucement voiturée. Combien de ruines et de déceptions! Il ne s'agissait plus d'argent, mais de toutes les fortunes de mon âme. J'allais au hasard, en discutant avec moi-même les mots de cette étrange conversation. Je m'égarais si bien dans mes commentaires que je finissais par douter de la valeur nominale des paroles et des idées. Et j'aimais toujours, j'aimais cette femme froide dont le cœur voulait être conquis à tout moment et qui, en effaçant toujours les promesses de la veille, se produisait le lendemain comme une maîtresse nouvelle. En tournant sous les guichets de l'Institut, un mouvement fiévreux me saisit. Je me souvins alors que j'étais à jeun. Je ne possédais pas un denier. Pour comble de malheur, la pluie déformait mon chapeau. Comment pouvoir aborder désormais une femme élégante et me présenter dans un salon sans un chapeau mettable? Grâce à des soins extrêmes, et tout en maudissant la mode niaise et sotte qui nous condamne à exhiber la coiffe de nos chapeaux en les gardant constamment à la main, j'avais maintenu le mien jusque-là dans un état douteux. Sans être curieusement neuf ou sèchement vieux, dénué de barbe ou très soyeux, il pouvait passer pour le chapeau problématique d'un homme soigneux. Mais son existence artificielle arrivait à son dernier période. Il était blessé, déjeté, fini, véritable haillon, digne représentant de son maître. Faute de 30 sous, je perdais mon industrieuse élégance. Ah, combien de sacrifices ignorés n'avais-je pas fait à Fedora depuis 3 mois? Souvent, je consacrais l'argent nécessaire au pain d'une semaine pour aller la voir un moment. Quitter mes travaux et jeûner, ce n'était rien. Mais traverser les rues de Paris sans se laisser éclabousser, courir pour éviter la pluie, arriver chez elle aussi bien mise que les fades qui l'entouraient. Ah, pour un poète amoureux et distrait, cet âge avait d'innombrables difficultés. Mon bonheur, mon amour, dépendait d'une mouchture de fange sur mon seul gilet blanc. Renoncer à la voir si je me crottais, si je me mouillais. Ne pas posséder 5 sous pour faire effacer par un décrotteur la plus légère tache de boue sur ma botte. Ma passion s'était augmentée de tous ces petits supplices inconnus, immenses, chez un homme irritable. Les malheureux ont des dévouements dont il ne leur est point permis de parler aux femmes qui vivent dans une sphère de luxe et d'élégance. Elles voient le monde à travers un prisme qui tient en or les hommes et les choses. Optimistes par égoïsme, cruelles par bon ton, ces femmes s'exemptent de réfléchir au nom de leur jouissance et s'absolvent de leur indifférence au malheur par l'entraînement du plaisir. Pour elles, un denier n'est jamais 1 million, c'est le million qui leur semble être un denier. Si l'amour doit plaider sa cause par de grands sacrifices, il doit aussi les couvrir délicatement d'un voile, les ensevelir dans le silence. Mais en prodiguant leur fortune et leur vie, en se dévouant, les hommes riches profitent des préjugés mondains qui donnent toujours un certain éclat à leurs amoureuses folies. Pour eux, le silence parle, et le voile est une grâce, tandis que mon affreuse détresse me condamnait à d'épouvantables souffrances sans qu'il me fût permis de dire « j'aime » ou « je meurs ». Était-ce du dévouement, après tout? N'étais-je pas richement récompensé par le plaisir que j'éprouvais à tout immoler pour elle? La comtesse avait donné d'extrêmes valeurs, attaché d'excessives jouissances aux accidents les plus vulgaires de ma vie. Naguère insouciant en fait de toilette, je respectais maintenant mon habit comme un autre moi-même. Entre une blessure à recevoir et la déchirure de mon frac, je n'aurais pas hésité. Tu dois alors épouser ma situation et comprendre les rages de pensée, la frénésie croissante qui m'agitait en marchant, et que peut-être la marche animait encore. J'éprouvais je ne sais quelle joie infernale à me trouver au fait du malheur. Je voulais voir un présage de fortune dans ces dernières crises, mais le mal a des trésors sans fond. La porte de mon hôtel était entr'ouverte. À travers les découpures en forme de cœur pratiquées dans le volet, j'aperçus une lumière projetée dans la rue. Pauline et sa mère causaient en m'attendant. J'entendis prononcer mon nom, j'écoutais. « Raphaël, disait Pauline, est bien mieux que l'étudiant du numéro 7. Ses cheveux blonds sont d'une si jolie couleur. Ne trouves-tu pas quelque chose dans sa voix, je ne sais, mais quelque chose qui vous remue le cœur? Et puis, quoi qu'il ait l'air un peu fier, il est si bon, il a des manières si distinguées. Oh, il est vraiment très bien. Je suis sûr que toutes les femmes doivent être folles de lui. » « Tu en parles comme si tu l'aimais, reprit Madame Gaudin. « Oh, je l'aime comme un frère, répondit-elle en riant. Je serais joliment ingrate si je n'avais pas de l'amitié pour lui. Ne m'a-t-il pas appris la musique, le dessin, la grammaire, enfin tout ce que je sais? Tu ne fais pas grande attention à mes progrès, ma bonne mère, mais je deviens si instruite que dans quelque temps je serai assez forte pour donner des leçons, et alors nous pourrons avoir une domestique. » Je me retirai doucement, et après avoir fait quelques bruits, j'entrai dans la salle pour y prendre ma lampe que Pauline voulut allumer. La pauvre enfant venait de jeter un baume délicieux sur mes plaies. Ce naïf éloge de ma personne me rendit un peu de courage. J'avais besoin de croire en moi-même et de recueillir un jugement impartial sur la véritable valeur de mes avantages. Mes espérances, ainsi ranimées, se reflétèrent peut-être sur les choses que je voyais. Peut-être aussi n'avais-je point encore bien sérieusement examiné la scène assez souvent offerte à mes regards par ces deux femmes au milieu de cette salle. Mais alors j'admirais dans sa réalité le plus délicieux tableau de cette nature modeste si naïvement reproduite par les peintres flamands. La mère, assise au coin d'un foyer à demi éteint, tricotait des bas et laissait errer sur ses lèvres un bon sourire. Pauline coloriait des écrans. Ses couleurs, ses pinceaux, étalés sur une petite table, parlaient aux yeux par de piquants effets. Mais, ayant quitté sa place et se tenant debout pour allumer ma lampe, sa blanche figure en recevait toute la lumière. Il fallait être subjugué par une bien terrible passion pour ne pas adorer ses mains transparentes et roses, l'idéal de sa tête et sa virginale attitude. La nuit et le silence prêtaient leur charme à cette laborieuse veillée, à ce paisible intérieur. Ses travaux continus et gaiement supportés attestaient une résignation religieuse pleine de sentiments élevés. Une indéfinissable harmonie existait là entre les choses et les personnes. Chez Fedora, le luxe était sec, il réveillait en moi de mauvaises pensées. Tandis que cette humble misère et ce bon naturel me rafraîchissaient l'âme. Peut-être étais-je humilié en présence du luxe. Près de ces deux femmes, au milieu de cette salle brune où la vie simplifiée semblait se réfugier dans les émotions du cœur, peut-être me réconciliais-je avec moi-même en trouvant exercer la protection que l'homme est si jaloux de faire sentir. Quand je fus près de Pauline, elle me jeta un regard presque maternel et s'écria, les mains tremblantes, en posant vivement la lampe, « Dieu, comme vous êtes pâle! Ah, il est tout mouillé! Ma mère va vous essuyer, monsieur Raphaël, reprit-elle après une légère pause. Vous êtes friand de lait. Nous avons eu ce soir de la crème. Tenez, voulez-vous y goûter? » Elle sauta comme un petit chat sur un bol de porcelaine plein de lait et me le présenta si vivement, me le mit sous le nez d'une si gentille façon que j'hésitai. « Vous me refuseriez ? » dit-elle d'une voix altérée. Nos deux fiertés se comprenaient. Pauline paraissait souffrir de sa pauvreté et me reprochait ma hauteur. Je fus attendri. Cette crème était peut-être son déjeuner du lendemain. J'acceptai cependant. La pauvre fille essaya de cacher sa joie, mais elle pétillait dans ses yeux. « J'en avais besoin, » lui dis-je en m'asseyant. Une expression soucieuse passa sur son front. « Vous souvenez-vous, Pauline, de ce passage où Bossuet nous peint Dieu récompensant un verre d'eau plus richement qu'une victoire ?»« Oui, » dit-elle, et son sein battait comme celui d'une jeune fauvette entre les mains d'un enfant. « Eh bien, comme nous nous quitterons bientôt, » ajoutai-je d'une voix mal assurée, « laissez-moi vous témoigner ma reconnaissance pour tous les soins que vous et votre mère vous avez eu de moi. »« Oh, ne comptons pas, » dit-elle en riant. Son rire cachait une émotion qui me fit mal. Mon piano, repris-je sans paraître avoir entendu ces paroles, est un des meilleurs instruments des rares. Acceptez-le. Prenez-le sans scrupule. Je ne saurais vraiment l'emporter dans le voyage que je compte entreprendre. » Éclairé peut-être par l'accent de mélancolie avec lequel je prononçais ces mots, les deux femmes semblèrent m'avoir compris et me regardèrent avec une curiosité mêlée d'effroi. L'affection que je cherchais au milieu des froides régions du grand monde était donc là, vraie, sans faste, mais onctueuse et peut-être durable. « Il ne faut pas prendre tant de soucis, » me dit la mère, « restez ici. Mon mari est en route à 7 heures. » reprit-elle. « Ce soir, j'ai lu l'évangile de Saint Jean pendant que Pauline tenait suspendue entre ses doigts notre clé attachée dans une Bible. La clé a tourné. Ce présage annonce que Gaudin se porte bien et prospère. Pauline a recommencé pour vous et pour le jeune homme du numéro 7, mais la clé n'a tourné que pour vous. Nous serons tous riches. Gaudin reviendra millionnaire. Je l'ai vu en rêve sur un vaisseau plein de serpents. Heureusement, l'eau était trouble, ce qui signifie or et pierreries d'outre-mer. » Ces paroles amicales et vides, semblables aux vagues chansons avec lesquelles une mère endort les douleurs de son enfant, me rendirent une sorte de calme. L'accent et le regard de la bonne femme exhalaient cette douce cordialité qui n'efface pas le chagrin, mais qui l'apaise, qui le berce et l'émousse. Plus perspicace que sa mère, Pauline m'examinait avec inquiétude. Ses yeux intelligents semblaient deviner ma vie et mon avenir. Je remerciai par une inclination de tête la mère et la fille, puis je me sauvai, craignant de m'attendrir. Quand je me trouvais seul sous mon toit, je me couchais dans mon malheur. Ma fatale imagination me dessina 1000 projets sans base et me dicta des résolutions impossibles. Quand un homme se traîne dans les décombres de sa fortune, il rencontre encore quelques ressources, mais j'étais dans le néant. Ah, mon cher, nous accusons trop facilement la misère. Soyons indulgents pour les effets du plus actif de tous les dissolvants sociaux. Où règne la misère, il n'existe plus ni pudeur, ni crime, ni vertu, ni esprit. J'étais alors sans idée, sans force, comme une jeune fille tombée à genoux devant un tigre. Un homme sans passion et sans argent reste maître de sa personne, mais un malheureux qui aime ne s'appartient plus et ne peut pas se tuer. L'amour nous donne une sorte de religion pour nous-mêmes. Nous respectons en nous une autre vie. Il devient alors le plus horrible des malheurs. Le malheur avec une espérance qui vous fait accepter des tortures. Je m'endormis avec l'idée d'aller le lendemain confier à Rastignac la singulière détermination de Fedora. « Ah !» me dit Rastignac, en me voyant entrer chez lui dès 9 heures du matin. « Je sais ce qui t'amène. Tu dois être congédié par Fedora. Quelques bonnes âmes jalouses de ton empire sur la comtesse ont annoncé votre mariage. Dieu sait les folies que tes rivaux t'ont prêtées et les calomnies dont tu as été l'objet. » « Tout s'explique !» m'écriai-je. Je me souvins de toutes mes impertinences et trouvai la comtesse sublime. À mon gré, j'étais un infâme qui n'avait pas encore assez souffert, et je ne vis plus dans son indulgence que la patiente charité de l'amour. « N'allons pas si vite !» me dit le prudent Gascon. « Fedora possède la pénétration naturelle aux femmes profondément égoïstes. Elle t'aura jugé peut-être au moment où tu ne voyais encore en elle que sa fortune et son luxe. En dépit de ton adresse, elle aura lu dans ton âme. Elle est assez dissimulée pour qu'aucune dissimulation ne trouve grâce devant elle. Je crois, ajouta-t-il, t'avoir mis dans une mauvaise voie. Malgré la finesse de son esprit et de ses manières, cette créature me semble impérieuse comme toutes les femmes qui ne prennent de plaisir que par la tête. Pour elle, le bonheur gît tout entier dans le bien-être de la vie, dans les jouissances sociales. Chez elle, le sentiment est un rôle. Elle te rendrait malheureux et ferait de toi son premier balai. Rastignac parlait à un sourd. Je l'interrompis en lui exposant avec une apparente gaieté ma situation financière. Hier au soir, me répondit-il, une veine contraire m'a emporté tout l'argent dont je pouvais disposer. Sans cette vulgaire infortune, j'eusse partagé volontiers ma bourse avec toi. Mais allons déjeuner au cabaret. Les huîtres nous donneront peut-être un bon conseil. Il s'habilla, fit atteler son tilbury. Puis, semblable à 2 millionnaires, nous arrivâmes au café de Paris avec l'impertinence de ces audacieux spéculateurs qui vivent sur des capitaux imaginaires. Ce diable de Gascon me confondait par l'aisance de ses manières et par son aplomb imperturbable. Au moment où nous prenions le café, après avoir fini un repas fort délicat et très bien entendu, Rastignac, qui distribuait des coups de tête à une foule de jeunes gens également recommandables par les grâces de leur personne et par l'élégance de leur mise, me dit, en voyant entrer un de ces dandys, « Voici ton affaire. » Il fit signe à un gentilhomme bien cravaté, qui semblait chercher une table à sa convenance, de venir lui parler. Ce gaillard-là, me dit Rastignac à l'oreille, est décoré pour avoir publié des ouvrages qu'il ne comprend pas. Il est chimiste, historien, romancier, publiciste. Il possède des quarts, des tiers, des moitiés, dans je ne sais combien de pièces de théâtre, et il est ignorant comme la mule de Don Miguel. Ce n'est pas un homme, c'est un nom, une étiquette familière au public. Aussi se garderait-il bien d'entrer dans ces cabinets sur lesquels il y a cette inscription « Ici, l'on peut écrire soi-même ». Il est fin à jouer tout un congrès. En deux mots, c'est un métis en morale, ni tout à fait probe, ni complètement fripon. Mais chut, il s'est déjà battu, le monde n'en demande pas davantage et dit de lui « C'est un homme honorable ». Eh bien, mon excellent ami, mon honorable ami, comment se porte votre intelligence ? Lui dit Rastignac au moment où l'inconnu s'assit à la table voisine. Mais ni bien ni mal, je suis accablé de travail. J'ai entre les mains tous les matériaux nécessaires pour faire des mémoires historiques très curieux et je ne sais à qui les attribuer. Cela me tourmente. Il faut se hâter. Les mémoires vont passer de mode. Sens des mémoires contemporains, anciens, sur la cour, sur quoi ? Sur l'affaire du collier. N'est-ce pas un miracle ? Me dit Rastignac en riant, puis se retournant vers le spéculateur. « Monsieur de Valentin, reprit-il en me désignant, est un de mes amis que je vous présente comme l'une de nos futures célébrités littéraires. Il avait jadis une tante fort bien en cour, marquise, et depuis 2 ans, il travaille à une histoire royaliste de la Révolution. Puis, se penchant à l'oreille de ce singulier négociant, il lui dit, « C'est un homme de talent, mais un niais, mais qui peut vous faire vos mémoires, au nom de sa tante, pour 100 écus par volume. » « Le marché me va, » répondit l'autre en haussant sa cravate. « Garçon, mes huîtres donc !»« Oui, mais vous me donnerez 25 louis de commission, et le payerez un volume d'avance, » reprit Rastignac. « Non, non, je n'avancerai que 50 écus pour être plus sûr d'avoir promptement mon manuscrit. » Rastignac me répéta cette conversation mercantile à voix basse, puis, sans me consulter. « Nous sommes d'accord, » lui répondit-il. « Quand pouvons-nous aller vous voir pour terminer cette affaire ?»« Eh bien... » Venez dîner ici demain soir à 7 heures. Nous nous levâmes. Rastignac jeta de la monnaie au garçon, mit la carte à payer dans sa poche et nous sortîmes. J'étais stupéfait de la légèreté, de l'insouciance avec laquelle il avait vendu ma respectable tante, la marquise de Montboron. J'aime mieux m'embarquer pour le Brésil, ayant enseigné aux Indiens l'algèbre dont je ne sais pas un mot, que de salir le nom de ma famille. Rastignac m'interrompit par un éclat de rire. Es-tu bête ? « Prends d'abord les 50 écus et fais les mémoires. Quand ils seront achevés, tu refuseras de les mettre sous le nom de ta tante imbécile. Madame de Montboron, morte sur l'échafaud, ses paniers, ses considérations, sa beauté, son phare, ses mules, valent bien plus de 600 francs. Si le libraire ne veut pas alors payer ta tante ce qu'elle vaut, il trouvera quelque vieux chevalier d'industrie ou je ne sais quelle fongeuse comtesse pour signer les mémoires. « Oh » m'écriai-je, « pourquoi suis-je sorti de ma vertueuse mansarde ? Le monde a des envers bien salement ignobles. « Bon, » répondit Rastignac, « voilà de la poésie, et il s'agit d'affaires. Tu es un enfant, écoute. Quant aux mémoires, le public les jugera. Quant à mon proxénète littéraire, n'a-t-il pas dépensé 8 ans de sa vie et payé ses relations avec la librairie par de cruelles expériences ? En partageant inégalement avec lui le travail du livre, ta part d'argent n'est-elle pas aussi la plus belle ? 25 louis sont une bien plus grande somme pour toi que 1000 francs pour lui. Bah, tu peux écrire des mémoires historiques, œuvres d'art si jamais il en fut, quand Diderot a fait 6 sermons pour 100 écus. Enfin, lui dis-je tout ému, c'est pour moi une nécessité. Ainsi, mon pauvre ami, je te dois des remerciements. 25 louis me rendront bien riche. Et plus riche que tu ne penses, reprit-il en riant. Si Finot me donne une commission dans l'affaire, ne devines-tu pas qu'elle sera pour toi ? « Allons au bois de Boulogne, » dit-il, « nous y verrons ta comtesse, et je te montrerai à la jolie petite veuve que je dois épouser, une charmante personne, alsacienne, un peu grasse. Elle lit Kant, Schiller, Jean-Paul, et une foule de livres hydrauliques. Elle a la manie de toujours me demander mon opinion. Je suis obligé d'avoir l'air de comprendre toute cette sensiblerie allemande, de connaître un tas de balades, toutes drogues qui me sont défendues par le médecin. Je n'ai pas encore pu la déshabituer de son enthousiasme littéraire. Elle pleure des averses à la lecture de Goethe, et je suis obligé de pleurer un peu par complaisance, car il y a 50 000 livres de rente, mon cher, et le plus joli petit pied, la plus jolie petite main de la terre. Ah, si elle n'usait pas mon ange, et prouillée pour mon ange et brouillée, ce serait une femme accomplie. Nous vîmes la comtesse, brillante dans un brillant équipage. La coquette nous salua fort affectueusement en me jetant un sourire qui me parut alors divin et plein d'amour. Ah, j'étais bien heureux, je me croyais aimé, j'avais de l'argent et des trésors de passion, plus de misère. Léger, gai, content de tout, je trouvais la maîtresse de mon amie charmante. Les arbres, l'air, le ciel, toute la nature semblait me répéter le sourire de Fedora. En revenant des Champs-Élysées, nous allâmes chez le chapelier et chez le tailleur de Rastignac. L'affaire du collier me permit de quitter mon misérable pied de paix pour passer à un formidable pied de guerre. Désormais, je pouvais sans crainte lutter de grâce et d'élégance avec les jeunes gens qui tourbillonnaient autour de Fedora. Je revins chez moi. Je m'y enfermais, restant tranquille en apparence près de ma lucarne, mais disant d'éternels adieux à mes toits, vivant dans l'avenir, dramatisant ma vie, escomptant l'amour et ses joies. Ah, comme une existence peut devenir orageuse entre les quatre murs d'une mansarde. L'âme humaine est une fée. Elle métamorphose une paille en diamant. Sous sa baguette, les palais enchantés éclosent comme les fleurs des champs sous les chaudes inspirations du soleil. Le lendemain, vers midi, Pauline frappa doucement ma porte et m'apporta, devine quoi, une lettre de Fedora. La comtesse me priait de venir la prendre au Luxembourg pour aller de là voir ensemble le muséum et le jardin des plantes. « Un commissionnaire attend la réponse, » me dit-elle après un moment de silence. Je griffonnai promptement une lettre de remerciement que Pauline emporta. Je m'habillai. Au moment où, assez content de moi-même, j'achevais ma toilette, un frisson glacial me saisit à cette pensée. Fedora est-elle venue en voiture ou à pied? Pleuvra-t-il? Fera-t-il beau? Mais, me dis-je, qu'elle soit à pied ou en voiture, est-on jamais certain de l'esprit fantasque d'une femme? Elle sera sans argent et voudra donner 100 sous à un petit savoyard parce qu'il aura de jolies guenilles. J'étais sans un rouge liard et ne devais avoir de l'argent que le soir. Oh, combien, dans ces crises de notre jeunesse, un poète paye cher la puissance intellectuelle dont il est investi par le régime et par le travail. En un instant, 1000 pensées vives et douloureuses me piquèrent comme autant de dards. Je regardais le ciel par ma lucarne, le temps était fort incertain. En cas de malheur, je pourrais bien prendre une voiture pour la journée, mais aussi ne tremblerais-je pas, à tout moment, au milieu de mon bonheur, de ne pas rencontrer Finot le soir? Je ne me sentis pas assez fort pour supporter tant de craintes au sein de ma joie. Malgré la certitude de ne rien trouver, j'entrepris une grande exploration à travers ma chambre. Je cherchai des écus imaginaires jusque dans les profondeurs de ma paillasse. Je fouillai tout, je secouai même de vieilles bottes. En proie à une fièvre nerveuse, je regardais mes meubles d'un œil hagard après les avoir renversés tous. Comprendras-tu le délire qui m'anima lorsqu'en ouvrant pour la 7e fois le tiroir de ma table à écrire que je visitais avec cette espèce d'indolence dans laquelle nous plonge le désespoir, j'aperçus, collée contre une planche latérale, tapie sournoisement, mais propre, brillante, lucide comme une étoile à son lever, une belle et noble pièce de 100 sous. Ne lui demandant compte ni de son silence, ni de la cruauté dont elle était coupable en se tenant ainsi cachée, je la baisai comme un ami fidèle au malheur, et la saluait par un cri qui trouva de l'écho. Je me retournai brusquement et vis Pauline toute pâle. « J'ai cru, dit-elle d'une voix émue, que vous vous faisiez mal. Le commissionnaire ?» Elle s'interrompit comme si elle étouffait. « Mais ma mère l'a payé, » ajouta-t-elle, puis elle s'enfuit, enfantine et follette comme un caprice. « Pauvre petite, je lui souhaitais mon bonheur. En ce moment, il me semblait avoir dans l'âme tout le plaisir de la terre. » Et j'aurais voulu restituer aux malheureux la part que je croyais leur voler. Nous avons presque toujours raison dans nos pressentiments d'adversité. La comtesse avait renvoyé sa voiture. Par un de ces caprices, que les jolies femmes ne s'expliquent pas toujours à elles-mêmes, elle voulait aller au jardin des plantes par les boulevards et à pied. « Mais il va pleuvoir, lui dis-je. » Elle prit plaisir à me contredire. Par hasard, il fit beau pendant tout le temps que nous marchâmes dans le Luxembourg. Quand nous en sortîmes, un gros nuage, dont j'avais maintes fois épié la marche avec une secrète inquiétude, ayant laissé tomber quelques gouttes d'eau, nous montâmes dans un fiacre. Lorsque nous eûmes atteint les boulevards, la pluie cessa, le ciel reprit sa sérénité. En arrivant au muséum, je voulus renvoyer la voiture. Fedora me pria de la garder. Que de torture! Mais causer avec elle en comprimant un secret délire, qui sans doute se formulait sur mon visage par quelques sourires niais et arrêtés, errer dans le jardin des plantes, en parcourir les allées bocagères et sentir son bras appuyé sur le mien. Il y eut dans tout cela je ne sais quoi de fantastique. C'était un rêve en plein jour. Cependant, ces mouvements, soit en marchant, soit en nous arrêtant, n'avaient rien de doux ni d'amoureux, malgré leur apparente volupté. Quand je cherchais à m'associer en quelque sorte à l'action de sa vie, je rencontrais en elle une intime et secrète vivacité, je ne sais quoi de saccadé, d'excentrique. Les femmes sans âme n'ont rien de moelleux dans leurs gestes. Aussi n'étions-nous unis ni par une même volonté, ni par un même pas. Il n'existe point de mots pour rendre ce désaccord matériel de deux êtres, car nous ne sommes pas encore habitués à reconnaître une pensée dans le mouvement. Ce phénomène de notre nature se sent instinctivement, il ne s'exprime pas. Pendant ces violents paroxysmes de ma passion, reprit Raphaël après un moment de silence, et comme s'il répondait à une objection qu'il se fût adressée à lui-même, je n'ai pas disséqué mes sensations, analysé mes plaisirs, ni supputé les battements de mon cœur, comme un avare examine ses pièces d'or. Oh non ! L'expérience jette aujourd'hui sa triste lumière sur les événements passés, et le souvenir m'apporte ces images, comme par un beau temps les flots de la mer amènent brin à brin les débris d'un naufrage sur la grève. Vous pouvez me rendre un service assez important, me dit la comtesse en me regardant d'un air confus. Après vous avoir confié mon antipathie pour l'amour, je me sens plus libre en réclamant de vous un bon office au nom de l'amitié. N'auriez-vous pas, reprit-elle en riant, beaucoup plus de mérite à m'obliger aujourd'hui? Je la regardais avec douleur. N'éprouvant rien près de moi, elle était pateline et non pas affectueuse. Elle me paraissait jouer un rôle en actrice consommée. Puis, tout à coup, son accent, un regard, un mot réveillaient mes espérances. Mais si mon amour animé se peignait alors dans mes yeux, elle en soutenait les rayons sans que la clarté des siens s'en altérât, car ils semblaient, comme ceux des tigres, être doublés par une feuille de métal. En ces moments-là, je la détestais. « La protection du duc de Navarin, dit-elle en continuant avec des inflexions de voix pleines de câlinerie, me serait très utile auprès d'une personne toute puissante en Russie, et dont l'intervention est nécessaire pour me faire rendre justice dans une affaire qui concerne à la fois ma fortune et mon état dans le monde. » La reconnaissance de mon mariage par l'empereur. Le duc de Navarin n'est-il pas votre cousin? Une lettre de lui déciderait tout. Je vous appartiens, lui répondis-je ordonné. Vous êtes bien aimable, reprit-elle en me serrant la main. Venez dîner avec moi, je vous dirai tout comme à un confesseur. Cette femme, si méfiante, si discrète, et à laquelle personne n'avait entendu dire un mot sur ses intérêts, allait donc me consulter. Oh! Combien j'aime maintenant le silence que vous m'avez imposé, m'écriai-je. Mais j'aurais voulu quelque épreuve plus rude encore. En ce moment, elle accueillit l'ivresse de mes regards et ne se refusa point à mon admiration. Elle m'aimait donc. Nous arrivâmes chez elle. Fort heureusement, le fond de ma bourse put satisfaire le cocher. Je passai délicieusement la journée, seul avec elle, chez elle. C'était la première fois que je pouvais la voir ainsi. Jusqu'à ce jour, le monde, sa gênante politesse et ses façons froides nous avaient toujours séparés, même pendant ses somptueux dîners. Mais alors j'étais chez elle comme si j'eusse vécu sous son toit. Je la possédais, pour ainsi dire. Ma vagabonde imagination brisait les entraves, arrangeait les événements de la vie à ma guise et me plongeait dans les délices d'un amour heureux. Me croyant son époux, je l'admirais occupé de petits détails. J'éprouvais même du bonheur à lui voir ôter son châle et son chapeau. Elle me laissa seule un moment et revint les cheveux arrangés, charmante. Cette jolie toilette avait été faite pour moi. Pendant le dîner, elle me prodigua ses attentions et déploya des grâces infinies dans mille choses qui semblent des riens et qui cependant sont la moitié de la vie. Quand nous fûmes tous deux devant un foyer pétillant, assis sur la voie, environnés des plus désirables créations d'un luxe oriental, quand je vis si près de moi cette femme, dont la beauté célèbre faisait palpiter tant de cœurs, cette femme, si difficile à conquérir, me parlant, me rendant l'objet de toutes ses coquetteries, ma voluptueuse félicité devint presque de la souffrance. Pour mon malheur, je me souvins de l'importante affaire que je devais conclure et voulus aller au rendez-vous qui m'avait été donné la veille. « Quoi, déjà ? » dit-elle en me voyant prendre mon chapeau. « Elle m'aimait, je le crus du moins, en l'entendant prononcer ces deux mots d'une voix caressante. Pour prolonger mon extase, j'aurais alors volontiers troqué deux années de ma vie contre chacune des heures qu'elle voulait bien m'accorder. Mon bonheur s'augmenta de tout l'argent que je perdais. Il était minuit quand elle me renvoya. Néanmoins, Le lendemain, mon héroïne me coûta bien des remords. Je craignis d'avoir manqué l'affaire des mémoires, devenue si capitale pour moi. Je courus chez Rastignac, et nous allâmes surprendre à son lever le titulaire de mes travaux futurs. Finot me lut un petit acte où il n'était point question de ma tante, et après la signature duquel il me compta 50 écus. Nous déjeunâmes tous les trois. Quand j'eus payé mon nouveau chapeau, 60 cachets à 30 sous et mes dettes, il ne me resta plus que 30 francs. Mais toutes les difficultés de la vie s'étaient aplanies pour quelques jours. Si j'avais voulu écouter Rastignac, je pouvais avoir des trésors en adoptant avec franchise le système anglais. Il voulait absolument m'établir un crédit et me faire faire des emprunts, en prétendant que les emprunts soutiendraient le crédit. Selon lui, l'avenir était de tous les capitaux du monde le plus considérable et le plus solide. En hypothéquant ainsi mes dettes sur de futurs contingents, il donna ma pratique à son tailleur, un artiste qui comprenait le jeune homme et devait me laisser tranquille jusqu'à mon mariage. Dès ce jour, je rompis avec la vie monastique et studieuse que j'avais menée pendant 3 ans. J'allais fort assidûment chez Fedora, où je tâchais de surpasser en apparence les impertinents ou les héros de coterie qui s'y trouvaient. En croyant avoir échappé pour toujours à la misère, je recouvrais ma liberté d'esprit, j'écrasais mes ribauds et passais pour un homme plein de séduction, prestigieux, irrésistible. Cependant, les gens habiles disaient en parlant de moi « Un garçon si spirituel ne doit avoir de passion que dans la tête. » Ils vantaient charitablement mon esprit aux dépens de ma sensibilité. « Est-il heureux de ne pas aimer ? » s'écriait-il. « S'il aimait, aurait-il autant de gaieté, de verve ?» J'étais cependant bien amoureusement stupide en présence de Fedora. Seul avec elle, je ne savais rien lui dire, ou, si je parlais, je médisais de l'amour, j'étais tristement gai, comme un courtisan qui veut cacher un cruel dépit. Enfin, j'essayais de me rendre indispensable à sa vie, à son bonheur, à sa vanité. Tous les jours, près d'elle, j'étais un esclave, un jouet sans cesse à ses ordres. Après avoir ainsi dissipé ma journée, je revenais chez moi pour y travailler pendant les nuits, ne dormant guère que 2 ou 3 heures de la matinée. Mais n'ayant pas, comme Rastignac, l'habitude du système anglais, je me vis bientôt sans un sou. Dès lors, mon cher ami, fat sans bonne fortune, élégant sans argent, amoureux anonyme, je retombais dans cette vie précaire, dans ce froid et profond malheur soigneusement caché sous les trompeuses apparences du luxe. Je ressentis alors mes souffrances premières, mais moins aiguës. Je m'étais familiarisé sans doute avec leur terrible crise. Souvent, les gâteaux et le thé, si parcimonieusement offerts dans les salons, étaient ma seule nourriture. Quelquefois, les somptueux dîners de la comtesse me substantaient pendant 2 jours. J'employais tout mon temps, mes efforts et ma science d'observation à pénétrer plus avant dans l'impénétrable caractère de Fedora. Jusqu'alors, l'espérance ou le désespoir avaient influencé mon opinion. Je voyais en elle, tour à tour, la femme la plus aimante ou la plus insensible de son sexe. Mais ces alternatives de joie et de tristesse devinrent intolérables. Je voulus chercher un dénouement à cette lutte affreuse, en tuant mon amour. De sinistres lueurs brillaient parfois dans mon âme et me faisaient entrevoir des abîmes entre nous. La comtesse justifiait toutes mes craintes, et je n'avais pas encore surpris de larmes dans ses yeux. Au théâtre, une scène attendrissante la trouvait froide et rieuse. Elle réservait toute sa finesse pour elle, et ne devinait ni le malheur ni le bonheur d'autrui. Enfin, elle m'avait joué. Heureux de lui faire un sacrifice, je m'étais presque avili pour elle en allant voir mon parent, le duc de Navarin. Homme égoïste, qui rougissait de ma misère, y avait de trop grands torts envers moi pour ne pas me haïr. Il me reçut donc avec cette froide politesse qui donne aux gestes et aux paroles l'apparence de l'insulte. Son regard inquiet excita ma pitié. J'eus honte pour lui de sa petitesse au milieu de tant de grandeur, de sa pauvreté au milieu de tant de luxe. Il me parla des pertes considérables que lui occasionnait le 3%. Je lui dis alors quel était l'objet de ma visite. Le changement de ses manières, qui de glaciales devinrent insensiblement affectueuses, me dégoûta. Eh bien, mon ami, il vint chez la comtesse, il m'y écrasa. Fedora trouva pour lui des enchantements, des prestiges inconnus. Elle le séduisit, traita sans moi cette affaire mystérieuse de laquelle je ne suis pas un mot. J'avais été pour elle un moyen. Elle paraissait ne plus m'apercevoir quand mon cousin était chez elle. Elle m'acceptait alors avec moins de plaisir peut-être que le jour où je lui fus présenté. Un jour, elle m'humilia devant le duc par un de ses gestes et par un de ses regards qu'aucune parole ne saurait peindre. Je sortis pleurant, formant mille projets de vengeance, combinant d'épouvantables viols. Souvent je l'accompagnais au bouffon. Là, près d'elle, tout entière mon amour, je la contemplais en me livrant au charme d'écouter la musique, épuisant mon âme dans la double jouissance d'aimer et de retrouver les mouvements de mon cœur bien rendus par les phrases du musicien. Ma passion était dans l'air. Sur la scène, elle triomphait partout, excepté chez ma maîtresse. Je prenais alors la main de Fedora. J'étudiais ses traits et ses yeux en sollicitant une fusion de nos sentiments, une de ces soudaines harmonies qui, réveillées par les notes, font vibrer les âmes à l'unisson. Mais sa main était muette et ses yeux ne disaient rien. Quand le feu de mon cœur émané de tous mes traits la frappait trop fortement au visage, elle me jetait ce sourire cherché, phrase convenue qui se reproduit au salon sur les lèvres de tous les portraits. Elle n'écoutait pas la musique. Les divines pages de Rossini, de Cimarosa, de Zingarelli ne lui rappelaient aucun sentiment, ne lui traduisaient aucune poésie de sa vie. Son âme était aride. Fedora se produisait là comme un spectacle dans le spectacle. Sa lorgnette voyageait incessamment de loge en loge. Inquiète, quoique tranquille, elle était victime de la mode. Sa loge, son bonnet, sa voiture, sa personne était tout pour elle. Vous rencontrez souvent des gens de colossale apparence, de qui le cœur est tendre et délicat sous un corps de bronze. Mais elle cachait un cœur de bronze sous sa frêle et gracieuse enveloppe. Ma fatale science me déchirait bien des voiles. Si le menton consiste à s'oublier pour autrui, à mettre dans sa voix et dans ses gestes une constante douceur, à plaire aux autres en les rendant contents d'eux-mêmes malgré sa finesse, Fedora n'avait pas effacé tout vestige de sa plébéienne origine. Son oubli d'elle-même était fausseté. Ses manières, au lieu d'être innées, avaient été laborieusement conquises. Enfin, sa politesse sentait la servitude. Eh bien, ses paroles emmielées étaient pour ses favoris l'expression de la bonté, sa prétentieuse exagération était un noble enthousiasme. Moi seul avais étudié ses grimaces, j'avais dépouillé son être intérieur de la mince écorce qui suffit au monde et n'étais pas dupe de ses singeries. Je connaissais à fond son âme de chatte. Quand Agnès la complimentait, la vantait, j'avais honte pour elle. Et je l'aimais toujours. J'espérais fondre ses glaces sous les ailes d'un amour de poète. Si je pouvais une fois ouvrir son cœur aux tendresses de la femme, si je l'initiais à la sublimité des dévouements, je la voyais alors parfaite. Elle devenait un ange. Je l'aimais en homme, en amant, en artiste, quand il aurait fallu ne pas l'aimer pour l'obtenir. Un fat bien gourmé, un froid calculateur, en aurait triomphé peut-être. Daine, artificieuse, elle eût sans doute entendu le langage de la vanité. Se serait laissée entortiller dans les pièges d'une intrigue, elle eût été dominée par un homme sec et glacé. Des douleurs acérées entraient jusqu'au vif dans mon âme, quand elle me révélait naïvement son égoïsme. Je l'apercevais avec douleur seule un jour dans la vie et ne sachant à qui tendre la main, ne rencontrant pas de regard ami où reposer les siens. Un soir, j'eus le courage de lui peindre, sous des couleurs animées, sa vieillesse déserte, vide et triste. À l'aspect de cette épouvantable vengeance de la nature trompée, elle dit un mot atroce. « J'aurai toujours de la fortune, » me répondit-elle. « Eh bien, avec de l'or, nous pouvons toujours créer autour de nous les sentiments qui sont nécessaires à notre bien-être. » Je sortis foudroyé par la logique de ce luxe, de cette femme, de ce monde dont j'étais si sottement idolâtre. Je n'aimais pas Pauline pauvre. Fedora riche n'avait-elle pas le droit de repousser Raphaël? Notre conscience est un juge infaillible quand nous ne l'avons pas encore assassiné. Fedora, me criait une voix sophistique, n'aime ni ne repousse personne. Elle est libre, mais elle s'est autrefois donnée pour de l'or. Amant ou époux, le comte russe l'a possédée. Elle aura bien une tentation dans sa vie. Attendons-la. Ni vertueuse, ni fautive, cette femme vivait loin de l'humanité, dans une sphère à elle, enfer ou paradis. Ce mystère femelle, vêtu de cachemire et de broderie, mettait en jeu dans mon cœur tous les sentiments humains, orgueil, ambition, amour, curiosité. Un caprice de la mode, ou cette envie de paraître originale qui nous poursuit tous, avait amené la manie de vanter un petit spectacle du boulevard. La comtesse témoigna le désir de voir la figure enfarinée d'un acteur qui faisait les délices de quelques gens d'esprit, et j'obtins l'honneur de la conduire à la première représentation de je ne sais quelle mauvaise farce. La loge coûtait à peine 100 sous. Je ne possédais pas un traître liard. ayant encore un demi-volume de mémoire à écrire, je n'osais pas aller mendier un secours à Finot, et Rastignac, ma providence, était absent. Cette gêne constante maléficiait toute ma vie. Une fois, au sortir des Bouffons, par une horrible pluie, Fedora m'avait fait avancer une voiture sans que je puisse me soustraire à son obligation de parade. Elle n'admit aucune de mes excuses, ni mon goût pour la pluie, ni mon envie d'aller au jeu. Elle ne devinait mon indigence ni dans l'embarras de mon maintien, ni dans mes paroles tristement plaisantes. Mes yeux rougissaient, mais comprenait-elle un regard? La vie des jeunes gens est soumise à de singuliers caprices. Pendant le voyage, chaque tour de roue réveilla des pensées qui me brûlèrent le cœur. J'essayais de détacher une planche au fond de la voiture en espérant glisser sur le pavé. Mais rencontrant des obstacles invincibles, je me pris à rire convulsivement et demeurai dans un calme morne, hébété comme un homme au carcan. À mon arrivée au logis, au premier mot que je balbutiais, Pauline m'interrompit en disant « Si vous n'avez pas de monnaie ?» Ah, la musique de Rossini n'était rien auprès de ces paroles. Mais revenons au funambule. Pour pouvoir y conduire la comtesse, je pensais à mettre en gage le cercle d'or dont le portrait de ma mère était entouré. Quoique le mont de piété se fût toujours dessiné dans ma pensée comme une des portes du bagne, il valait encore mieux y porter mon lit moi-même que de solliciter une aumône. Le regard d'un homme à qui vous demandez de l'argent fait tant de mal. Certains emprunts nous coûtent notre honneur, comme certains refus prononcés par une bouche amie nous enlèvent une dernière illusion. Pauline travaillait, sa mère était couchée. Jetant un regard furtif sur le lit dont les rideaux étaient légèrement relevés, je crus Madame Gaudin profondément endormie, en apercevant au milieu de l'ombre son profil calme et jeune imprimé sur l'oreiller. « Vous avez du chagrin, » me dit Pauline, qui posa son pinceau sur son coloriage. « Ma pauvre enfant, vous pouvez me rendre un grand service, » lui répondis-je. Elle me regarda d'un air si heureux que je tressaillis. « M'aimerait-elle » pensais-je. « Pauline, » repris-je, et je m'assis près d'elle pour la bien étudier. Elle me devina, tant mon accent était interrogateur. Elle baissa les yeux, et je l'examinais, croyant pouvoir lire dans son cœur comme dans le mien, tant sa physionomie était naïve et pure. « Vous m'aimez ?» lui dis-je. « Un peu, passionnément, pas du tout, » s'écria-t-elle. Elle ne m'aimait pas. Son accent moqueur et la gentillesse du geste qui lui échappa peignaient seulement une folâtre reconnaissance de jeune fille. Je lui avouai donc ma détresse et l'embarras dans lequel je me trouvais et la priai de m'aider. « Comment, monsieur Raphaël ? » dit-elle. « Vous ne voulez pas aller au mont de piété et vous m'y envoyez ?» Je rougis, confondu par la logique d'un enfant. Elle me prit alors la main, comme si elle eût voulu compenser par une caresse la vérité de son exclamation. « Oh, j'irai bien, » dit-elle, « mais la course est inutile. Ce matin, j'ai trouvé derrière le piano deux pièces de 100 sous qui s'étaient glissées à votre insu entre le mur et la barre, et je les ai mises sur votre table. « Vous devez bientôt recevoir de l'argent, monsieur Raphaël, » me dit la bonne mère, qui montra sa tête entre les rideaux. « Je puis bien vous prêter quelques écus en attendant. « Oh, Pauline, » m'écriai-je en lui serrant la main, « je voudrais être riche. « Bon, pourquoi ? » dit-elle d'un air mutin. Sa main tremblante dans la mienne répondait à tous les battements de mon cœur. Elle retira vivement ses doigts, examina les miens. « Vous épouserez une femme riche, » dit-elle, « mais elle vous donnera bien du chagrin. « Ah, Dieu, elle vous tuera, j'en suis sûr. » Il y avait dans son cri une sorte de croyance aux folles superstitions de sa mère. « Vous êtes bien crédule, Pauline. « Oh, bien certainement, » dit-elle en me regardant avec terreur. « La femme que vous aimerez vous tuera. » Elle reprit son pinceau, le trempa dans la couleur en laissant paraître une vive émotion, et ne me regarda plus. En ce moment, j'aurais bien voulu croire à des chimères. Un homme n'est pas tout à fait misérable quand il est superstitieux. Une superstition est une espérance. Retiré dans ma chambre, je vis en effet de nobles écus dont la présence me parut inexplicable. Au sein des pensées confuses du premier sommeil, je tâchais de vérifier mes dépenses pour me justifier cette trouvaille inespérée, mais je m'endormis perdu dans d'inutiles calculs. Le lendemain, Pauline vint me voir au moment où je sortais pour aller louer une loge. « Vous n'avez peut-être pas assez de 10 francs ?» me dit en rougissant cette bonne et aimable fille. « Ma mère m'a chargé de vous offrir cet argent. Prenez, prenez !» Elle jeta 3 écus sur ma table et voulut se sauver, mais je la retins. L'admiration sécha les larmes qui roulaient dans mes yeux. « Pauline, lui dis-je, vous êtes un ange. Ce prêt me touche bien moins que la pudeur de sentiment avec laquelle vous me l'offrez. Je désirais une femme riche, élégante, titrée. Hélas, Maintenant, je voudrais posséder des millions et rencontrer une jeune fille pauvre comme vous. Et comme vous, riche de cœur, je renoncerai à une fatale passion qui me tuera. Vous aurez peut-être raison. Assez, dit-elle. Elle s'enfuit, et sa voix de rossignol, ses roulades fraîches, retentirent dans l'escalier. Elle est bien heureuse de ne pas aimer encore, me dis-je, en pensant aux tortures que je souffrais depuis plusieurs mois. Les 15 francs de Pauline me furent bien précieux. Fedora songea aux émanations populacières de la salle où nous devions rester pendant quelques heures, regretta de ne pas avoir un bouquet. J'allais lui chercher des fleurs. Je lui apportai ma vie et ma fortune. J'eus à la fois des remords et des plaisirs en lui donnant un bouquet dont le prix me révéla tout ce que la galanterie superficielle, en usage dans le monde, avait de dispendieux. Bientôt elle se plaignit de l'odeur un peu trop forte d'un jasmin du Mexique. Elle éprouva un intolérable dégoût en voyant la salle. On se trouva assise sur de dures banquettes. Elle me reprocha de l'avoir amenée là. Quoiqu'elle fût près de moi, elle voulut s'en aller, elle s'en alla. M'imposer des nuits sans sommeil, avoir dissipé 2 mois de mon existence et ne pas lui plaire. Jamais ce démon ne fut ni plus gracieux ni plus insensible. Pendant la route, assis près d'elle, dans un étroit coupé, je respirais son souffle, je touchais son gant parfumé. Je voyais distinctement les trésors de sa beauté. Je sentais une vapeur douce comme l'iris. Toute la femme est point de femme. En ce moment, un trait de lumière me permit de voir les profondeurs de cette vie mystérieuse. Je pensais tout à coup au livre récemment publié par un poète, une vraie conception d'artiste taillée dans la statue de Polyclès. Je croyais voir ce monstre qui, tantôt officier, dompte un cheval fougueux, tantôt jeune fille, se met à sa toilette et désespère ses amants. Amant désespère une vierge douce et modeste. Ne pouvant plus résoudre autrement Fedora, je lui racontais cette histoire fantastique. Rien ne décela sa ressemblance avec cette poésie de l'impossible. Elle s'en amusa de bonne foi, comme un enfant d'une fable prise aux 1001 nuits. Pour résister à l'amour d'un homme de mon âge, à la chaleur communicative de cette belle contagion de l'âme, Fedora doit être gardée par quelque mystère, me dis-je en revenant chez moi. Peut-être, semblable à Lady de la Cour, est-elle dévorée par un cancer? Sa vie est sans doute une vie artificielle. À cette pensée, j'eus froid. Puis je formai le projet le plus extravagant et le plus raisonnable en même temps auquel un amant puisse jamais songer. Pour examiner cette femme corporellement comme je l'avais étudiée intellectuellement, pour la connaître enfin tout entière, je résolus de passer une nuit chez elle, dans sa chambre, à son insu. Voici comment j'exécutais cette entreprise, qui me dévorait l'âme comme un désir de vengeance mord le cœur de moine corse. Au jour de réception, Fedora réunissait une assemblée trop nombreuse pour qu'il fût possible au portier d'établir une balance exacte entre les entrées et les sorties. Sûr de pouvoir rester dans la maison sans y causer de scandale, j'attendis impatiemment la prochaine soirée de la comtesse. En m'habillant, je mis dans la poche de mon gilet un petit canif anglais, à défaut de poignard. Trouvé sur moi, cet instrument littéraire n'avait rien de suspect, et ne sachant jusqu'où me conduirait ma résolution romanesque, je voulais être armé. Lorsque les salons commencèrent à se remplir, j'allai dans la chambre à coucher y examiner les choses, et trouvai les persiennes et les volets fermés. Ce fut un premier bonheur. Comme la femme de chambre pourrait venir pour détacher les rideaux drapés aux fenêtres, je lâchai leurs embrasses, je risquais beaucoup en me hasardant ainsi à faire le ménage par avance, mais je m'étais soumis au péril de ma situation et les avais froidement calculés. Vers minuit, je vins me cacher dans l'embrasure d'une fenêtre. Afin de ne pas laisser voir mes pieds, j'essayai de grimper sur la plinthe de la boiserie, le dos appuyé contre le mur, en me cramponnant à l'espagnolette. Après avoir étudié mon équilibre, mes points d'appui, mesuré l'espace qui me séparait des rideaux, je parvins à me familiariser avec les difficultés de ma position, de manière à demeurer là sans être découvert si les crampes, la toux et les éternuements me laissaient tranquille. Pour ne pas me fatiguer inutilement, je me tins debout en attendant le moment critique pendant lequel je devais rester suspendu comme une araignée dans sa toile. La moire blanche et la mousseline des rideaux formaient devant moi de gros plis semblables à des tuyaux d'orgue où je pratiquais des trous avec mon canif afin de tout voir par ces espèces de meurtrières. J'entendis vaguement le murmure des salons, les rires des causeurs, leurs éclats de voix. Ce tumulte vaporeux, cette sourde agitation diminua par degrés. Quelques hommes vinrent prendre leurs chapeaux placés près de moi sur la commode de la comtesse. Quand ils froissaient les rideaux, je frissonnais en pensant aux distractions, au hasard de ces recherches faites par des gens pressés de partir, et qui effleuraient alors partout. J'augurais bien de mon entreprise en n'éprouvant aucun de ces malheurs. Le dernier chapeau fut emporté par un vieil amoureux de Fedora, qui, se croyant seul, regarda le lit et poussa un gros soupir suivi de je ne sais quelle exclamation assez énergique. La comtesse, qui n'avait plus autour d'elle, dans le boudoir voisin de sa chambre, que 5 ou 6 personnes intimes, leur proposa d'y prendre le thé. Les calomnies, pour lesquelles la société actuelle a réservé le peu de croyance qui lui reste, se mêlèrent alors à des épigrammes, à des jugements spirituels, au bruit des tasses et des cuillères. Sans pitié pour Méribaud, Rastignac excitait un rire fou par de mordantes saillies. « Monsieur de Rastignac est un homme avec lequel il ne faut pas se brouiller, » dit la comtesse en riant. « Je le crois, » répondit-il naïvement. « J'ai toujours eu raison dans mes haines. » « Et dans mes amitiés, » ajouta-t-il. « Mes ennemis me servent autant que mes amis, peut-être. J'ai fait une étude assez spéciale de l'idiome moderne et des artifices naturels dont on se sert pour tout attaquer ou pour tout défendre. L'éloquence ministérielle est un perfectionnement social. Un de vos amis est-il sans esprit? Vous parlez de sa probité, de sa franchise. L'ouvrage d'un autre est-il lourd? Vous le présentez comme un travail consciencieux. Si le livre est mal écrit, vous inventez les idées. Tel homme est sans foi, sans constance, vous échappe à tout moment. Bon, il est séduisant, prestigieux, il charme. S'agit-il de vos ennemis? Vous leur jetez la tête les morts et les vivants. Vous renversez pour eux les termes de votre langage, et vous êtes aussi perspicace à découvrir leurs défauts que vous étiez habile à mettre en relief les vertus de vos amis. Cette application de la lorgnette à la vue morale est le secret de nos conversations et tout l'art du courtisan. N'en pas user, c'est vouloir combattre sans armes des gens bardés de fer comme des chevaliers bannerets. Et j'en use, j'en abuse même quelquefois. Aussi me respecte-t-on moi et mes amis, car d'ailleurs mon épée vaut ma langue. » Un des plus fervents admirateurs de Fedora, jeune homme dont l'impertinence était célèbre et qui s'en faisait même un moyen de parvenir, releva le gant si dédaigneusement jeté par Rastignac. Il se mit, en parlant de moi, à vanter outre mesure mes talents et ma personne. Rastignac avait oublié ce genre de médisance. Cet éloge sardonique trompa la comtesse qui m'immola sans pitié. Pour amuser ses amis, elle abusa de mes secrets, de mes prétentions et de mes espérances. « Il a de l'avenir, » dit Rastignac. « Peut-être sera-t-il un jour homme à prendre de cruelles revanches. Ses talents égalent au moins son courage. Aussi regardais-je comme bien hardi ce qui s'attaque à lui, car il a de la mémoire. » « En fait des mémoires, » dit la comtesse, à qui parut déplaire le profond silence qui régna. « Des mémoires de fausse comtesse, madame, » répliqua Rastignac. « Pour les écrire, il faut avoir une sorte de courage. » « Je lui crois beaucoup de courage, » reprit-elle. « Il m'est fidèle. » Il me prit une vive tentation de me montrer soudain en rieur, comme l'ombre de Banco dans Macbeth. Je perdais une maîtresse, mais j'avais un ami. Cependant, l'amour me souffla tout à coup un de ces lâches et subtils paradoxes, avec lesquels il sait endormir toutes nos douleurs. Si Fedora même, pensais-je, ne doit-elle pas dissimuler son affection sous une plaisanterie malicieuse? Combien de fois le cœur n'a-t-il pas démenti les mensonges de la bouche? Enfin, bientôt, mon impertinent rival, resté seul avec la comtesse, voulut partir. « Et quoi, déjà ?» lui dit-elle, avec un son de voix plein de câlinerie, et qui me fit palpiter. « Ne me donnerez-vous pas encore un moment ? N'avez-vous donc plus rien à me dire ? Et ne me sacrifierez-vous point quelques-uns de vos plaisirs ?» Il s'en alla. « Oh ! » s'écria-t-elle en bâillant, « ils sont tous bien ennuyeux. » Et tirant avec force un cordon, le bruit d'une sonnette retentit dans les appartements. La comtesse rentra dans sa chambre en fredonnant une phrase du Priac Esponti. Jamais personne ne l'avait entendu chanter, et ce mutisme donnait lieu à de bizarres interprétations. Elle avait, dit-on, promis à son premier amant, charmé de ses talents et jaloux d'elle par-delà le tombeau, de ne donner à personne un bonheur qu'il voulait avoir goûté seul. Je tendis l'effort de mon âme pour respirer les sons. De note en note, la voix s'éleva. Fedora sembla s'animer. Les richesses de son gosier se déployèrent, et cette mélodie prit alors quelque chose de divin. La comtesse avait dans l'organe une clarté vive, une justesse de ton, je ne sais quoi d'harmonique et de vibrant qui pénétrait, remuait et chatouillait le cœur. Les musiciennes sont presque toujours amoureuses. celle qui chantait ainsi, devait savoir bien aimer. La beauté de cette voix fut donc un mystère de plus dans une femme déjà si mystérieuse. Je la voyais alors comme je te vois. Elle paraissait s'écouter elle-même et ressentir une volupté qui lui fut particulière. Elle éprouvait comme une jouissance d'amour. Elle vint devant la cheminée en achevant le principal motif de ce rondeau. Mais quand elle se tut, sa physionomie changea, ses traits se décomposèrent, et sa figure exprima la fatigue. Elle venait d'ôter un masque. Actrice, son rôle était fini. Cependant, l'espèce de flétrissure imprimée à sa beauté par son travail d'artiste, ou par la lassitude de la soirée, n'était pas sans charme. « La voilà vraie, me dis-je.